Les Américains restent divisés au sujet du pipeline croate. Une fois la décision secrète prise de recommencer les livraisons, les choses se sont mises à bouger aux États-Unis. La CIA a rassemblé de plus en plus de preuves de livraison d'armes iraniennes faites à la Bosnie via la Croatie. Des photographies prises par les satellites espions montrant des avions stationnant sur des pistes en Turquie et retrouvés plus tard à Zagreb ou dans d'autres aéroports de Croatie. Les avions passaient par la Turquie où ils faisaient parfois escale avant de repartir en survolant la mer Noire, traversant les espaces aériens bulgares et roumains pour arriver à Zagreb où les armes étaient enfin déchargées. Une partie des stocks était envoyée en Bosnie. La Croatie recevait apparemment 30% de l'équipement. La CIA avait observé un rythme d'environ 8 vols par mois et avait de plus reçu des rapports des services de renseignement croates. Lorsque la CIA a eu vent des livraisons, une nouvelle divergence d'opinion a surgi entre l'ambassadeur américain Galbraith et le chef de la cellule CIA sur place. Le chef de cellule a demandé à Galbraith des explications sur l'opération. Et Galbraith a répondu qu'il était au courant des livraisons secrètes depuis l'Iran, que le chef de cellule devrait plutôt poser ses questions à Miroslav Tudjman. Le chef de cellule ne s'est pas laissé faire si facilement. Le fait est que le département d'État est autorisé à encourager en secret toute opération que le président lui demande d'encourager. Ce qui aurait été illégal, c'est une implication de la CIA dans l'opération sans qu'existent des documents écrits. Une directive diplomatique secrète n'est pas illégale, mais des opérations secrètes de la CIA sont illégales, elles, sans documents à l'appui. Le chef de cellule a donc demandé à Galbraith où étaient les documents, puisque sans eux, il n'était pas légalement autorisé à coopérer à ces opérations. S'il faisait cela, les conséquences en termes de procédure américaine pouvaient être graves. Le chef de cellule a alerté le quartier général de la CIA à Langley, qui à son tour a demandé au département d'État et au Conseil de la Sécurité nationale, NSC, qui exactement était au courant. On a fait le parallèle avec l'affaire Iran-Contras, qui avait elle aussi été menée depuis le NSC. La CIA s'est demandé si Galbraith n'avait pas, par hasard, encouragé Tudjman à faire la requête de stock d'armes. Évidemment, l'ambassadeur était libre de le faire. Plus tard, le Sénat a rejeté cette possibilité, la jugeant infondée, mais à partir de là, des suppositions étaient nées que peut-être la CIA espionnait le personnel du département d'État. Cette peur était cependant justifiée. Le chef de cellule avait en effet décidé de surveiller les mouvements de Galbraith. Le chef de cellule s'est aussi inquiété de ce que des officiels iraniens, apparemment impliqués dans le pipeline croate, se rendaient quotidiennement à la bibliothèque du service d'information des États-Unis, qui était située juste à côté du bureau de Galbraith. Par peur d'une attaque terroriste, dès ce moment, l'accès à la bibliothèque a été restreint aux seuls visiteurs possédant une carte de membre, et les Iraniens ont disparu. Selon ce que Langley a conclu, il existait en effet une opération secrète en cours à laquelle la CIA ne prenait pas part. En réponse à cela, la CIA décida d'agir dans les plus hautes sphères. Le directeur de l'agence, Woolsey, a contacté à ce sujet Lake, puis Christopher et Talbot. Le 5 mai 1994, Talbot a communiqué à Woolsey l'essentiel de ce qui avait été décidé. Galbraith n'avait pas reçu d'ordre. D'ailleurs, Woolsey a déclaré plus tard qu'on ne lui avait pas donné l'impression, lors de cette discussion, que la politique au sujet de l'implication de l'Iran avait changé par cette unique instruction. Et pourtant, c'est bien, en fait, ce qui s'est produit. D'après un certain officier haut placé du renseignement américain, Woolsey n'est finalement pas remonté jusqu'au président Clinton. Une fois qu'il était clair à ses yeux que l'ambassadeur agissait sous l'autorité de la Maison-Blanche et du secrétaire d'État, et non de son propre chef, la CIA a cessé de s'intéresser à l'affaire au-delà de son mandat. L'agence a simplement continué à faire du renseignement, c'est-à-dire des rapports sur l'observation de la circulation des armes. Talbot a dit à Woolsey qu'une des raisons derrière la décision d'autoriser ces opérations était que l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine arrivait au bout de ses forces. La communauté du renseignement américain était cependant arrivée à une conclusion différente. Son opinion était que l'armée de Bosnie-Herzégovine aurait pu conserver la plus grande partie du territoire de la Bosnie sans avoir besoin d'une aide militaire. Apparemment, il existait plusieurs estimations divergentes des forces respectives de l'armée de Bosnie-Herzégovine et de l'armée des Serbes de Bosnie. Selon Corwin, une autre chose encore a joué un rôle à Sarajevo. En fait, une des plus grosses erreurs d'estimation de la force militaire serbe en ex-Yougoslavie a été faite par les renseignements militaires russes, GRU. À cause de son désir de porter un coup à l'hégémonie de l'OTAN et de se venger d'avoir perdu la guerre froide, le GRU a passé son temps après l'été 1994 à surestimer la capacité des forces serbes à résister à des offensives croates ou bosniaques. Selon Corwin, l'administration américaine avait elle aussi tendance à surestimer la force militaire des Serbes de Bosnie, en tout cas en public, mais pour des raisons différentes. Malgré la manière dont la CIA avait été circonvenue dans ses opérations, Woolsey a proposé que la CIA s'occupe de préparer l'opération secrète de trafic d'armes vers la Bosnie, mais seulement si on produisait un document écrit signé du président Clinton. La proposition a été rejetée. Lake craignait toujours les fuites. Lake semblait avoir une peur pathologique des fuites. Il faisait très rarement part à d'autres des informations en sa possession et il était d'un abord difficile. On le surnommait le sous-marin. Woolsey a confirmé qu'il n'avait pas connaissance de l'existence d'un ordre présidentiel écrit et qu'en mai 1994, il a bien été voir le NSC, puis ensuite le secrétariat d'État, pour obtenir des informations au sujet des stocks d'armes, et ce, en pure perte. Talbot lui a dit que son chef de cellule à Zagreb devait se taire et ne rien faire. D'après l'assistant auprès du secrétaire d'État, tout cela était affaire de décisions politiques prises par le gouvernement des États-Unis. Le président peut bien, après tout, charger d'une certaine tâche un ambassadeur. Woolsey était surpris de cela. La CIA possédait l'expérience nécessaire en matière d'opérations secrètes. Si les politiques lui avaient demandé d'organiser les livraisons secrètes d'armes, son service se serait chargé de l'exécution, même en cas de désaccord sur le bien fondé de l'opération. C'était leur devoir. Woolsey: nous aurions préféré avoir le contrôle. Nous aurions pu le faire mieux et sans que l'Iran ne se retrouve impliqué. La CIA n'a pas fait entrer d'armes clandestines en Bosnie. Nous l'aurions volontiers fait. Nous avions suffisamment d'expérience dans ce domaine. Mais au niveau politique, on ne voulait pas que la CIA le fasse.